Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, le numéro 59, enregistré le 10 novembre 2023. Comme vous pouvez le deviner, on est en novembre, enfin en début novembre, et on va parler principalement, c'est notre épisode d'Halloween. Et il n'y a absolument rien qui n'est dérangeant par rapport à ça, je crois. On a presque pas de retard. Voilà. Ça devrait aller. Je suis Axel, votre hôte pour ce podcast, mais je ne suis pas tout seul. J'ai le plaisir d'avoir avec moi mes co-hôtes, maintenant habituels. Morgane, tout d'abord, comment tu vas ? Ça va super bien aujourd'hui. Ben parfait, je suis très heureux de le savoir. Et j'espère que tu communiqueras cette joie dans ce podcast. Oui, comptez sur moi alors là. Très bien, parfait. Également content de refaire du podcast. Le dernier date de mai, je crois, mai ou avril, comme ça. Ah oui, totalement. Voilà. Ah oui, on se fait rare, quoi. Ouais, mais bon, après, vous avez l'habitude, je pense, les auditeurs. Oui. Voilà. Mais ils ne nous oublient pas. Et ça, c'est non, bon. Non, voilà. Et ensuite, j'ai le plaisir d'avoir avec moi également Adrien. Ouais, salut, mais on Adrien. S'en fout. Commence. Oh, pow ! Bonjour à tous. Ça va ? Ouais, ça va super. Et toi, comment ça va ? Parce qu'on ne te demande jamais. Bah, c'est gentil. Ça va plutôt bien, ouais. Un peu fatigué, ça s'entend un peu, mais très bien. Merci beaucoup. On va pas changer les habitudes. Je vais vous faire un petit peu le sommaire de cette émission. On a un jeu, donc alors on va être tout à fait honnête avec les auditeurs. Avant juste d'enregistrer, je me suis rendu compte que ce que j'avais préparé ne pouvait pas être fait ce soir pour des problèmes techniques. Et du coup, on a un peu brainstormé, les grosses pontes de l'entreprise Movies Nerd ont mis leur cerveau en marche et ils ont trouvé un jeu sur comme ça, d'un coup. Bah, c'était Morgane qui a trouvé... en ping-pong d'idées, et justement le jeu... cerveau, forcément, ouais. C'est moi. C'est marrant, j'aurais pas parié de ce truc. Non mais chut. C'est la Task Force Movies Nerd. Voilà, c'est ça, exactement, on a fait des réunions, des bullet points, toutes ces belles choses, et on est arrivé du coup à un merveilleux jeu qui s'appelle Dans quoi t'as joué, et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne juste après. On continuera ensuite avec un thème qui est un peu un thème libre. Je voulais pas forcément faire un truc comme les émissions précédentes où on avait un thème dédié. Là, on va plus présenter des films d'Halloween qui méritent, selon nous, plus d'attention ou qui ont un peu été mis de côté par les gens quand on parle de films d'Halloween. Donc voilà. Chacun on présentera... parlera pas de Shining, ni de Halloween, ni de Scream. Voilà, pas des classiques, puisque les classiques, on en a quasiment déjà parlé tous dans les épisodes précédents, donc ils sont là. Hein. Notamment les classiques d'horreur. Hein. Voilà. On commence à avoir fait le tour des Freddy. C'est ça, donc on va faire un peu nos petits chouchous, un peu dans le coin, qui n'ont jamais trop d'attention, mais là, on va leur porter de l'attention. Et ensuite, on finira avec les minutes nerd de chacun, voilà, comme d'habitude. Et ben, je crois qu'on est bon et on va pouvoir commencer tout de suite avec la première rubrique de ce podcast qui est le jeu. C'est parti! On est à la première rubrique de ce podcast qui est du coup le jeu. Et ce jeu, c'est Dans quoi t'as joué ? Le titre est plutôt à peu près explicatif, je pense. Je vais nommer un acteur ou une actrice française ou américaine. Et ensuite, chacun... Donc le premier qui cite le nom va citer un nom de film dans lequel cette personne a joué. Et ensuite, ça va être un ping-pong entre Morgane et Adrien, jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus d'idées. Évidemment, j'espère, parce que vous savez que voilà, je suis un juge impartial, que vous n'êtes pas sur Wikipédia quand je vous dirai le nom. Non, je suis sur Allociné. Voilà, Wikipédia, Allociné, voilà, tout ça, c'est IMDB. Moi, j'ai mis Letterboxd. Toutes les bases d'Internet sont bannies. Voilà, et je serai impartial là-dessus. Et du coup, voilà, je pense que... Sachant qu'il a aucun moyen, parce qu'il dit, non, non, mais il dit qu'il est impartial. Sachant qu'il a aucun moyen de le savoir. Faut pas le dire. Je, oui, le devine. Mais... je le devinerai. Oui, mais si... on est des gens de confiance quand même. Il y a quand même une relation, oui, qui s'est installée au fil, voilà, du temps. Et voilà. Oui. Je rajoute un petit, oui, truc. Si la personne a joué dans plusieurs films d'une saga, vous dites un film de cette saga. Oui. Après, vous pouvez pas dire le 2 ou le 3 ou le 4. Hein, oui, si. Ah, okay. Voilà. Schwarzenegger, okay. On dit pas Terminator, Terminator 2. Voilà. Ou même Stallone, Rocky, Rocky 2, Rocky 3. Ouais, voilà. C'est bon à savoir. Voilà. Pour Leonard Nimoy notamment, c'est très bon à savoir. Oui. Très bien. Donc si vous êtes prêt, et c'est le premier qui dit un nom, le nom d'un film qui a la main, et après ce sera à l'autre. Voilà. C'est parti pour le premier acteur, un acteur américain classique, Tom Hanks. Seul au monde. Le Terminal. Le Pont des Espions. Oui. Lady Killers. Le pire voisin du monde. Excellent. Sully. Comment? Tu peux redire? Sully, le film Sully. Ah, Forrest Gump. Arrête-moi si tu peux. Ah, bâtard. Pardon, il faut sauver le soldat Ryan. Putain, je sais pas qui était dedans. Bah si. Bah, c'est quand même. C'est le héros. Non, mais... c'est vrai, c'est le héros. Merde, je suis nul en Tom Hanks. Si, il a joué dans... Ah, j'ai un trou, j'aime pas Tom Hanks. Ah si, bah oui, comment ça s'appelle? Il a joué dans Ready Player One, non? Non, pas du tout. C'est okay, perdu. Ouais, j'ai perdu. Il y avait Angers Démon. Alors, par contre, il a joué dans Da Vinci Code, Inferno. Ah Angers, oui, Da Vinci Code, Angers Démon. Ça aurait pu compter ou pas, vu que c'est trois films différents en soi? Ah bah non, c'est une saga. Ça aurait pu compter. Ouais, j'aurais été clément. Non, Axel. Non, oui, voilà. Mais pardon, parfois j'aime bien qu'on m'appelle Clément. Tu l'as, hein, désolé. Tu l'as ou pas? D'ailleurs, parlant de Clément, demain soir, je revois Les Choristes. Voilà. C'est... D'accord. On se dit Clément, Mathieu. Oui, bah, forcément. Oh putain, Captain Phillips, je suis trop con. Mais oh, oui. Mais Toy Story, mais vas-y, allez vous faire foutre. Et récemment, dans Asteroid City, le ronflant Asteroid City. Ouais. Très bien. Du coup, on arrête parce qu'il va devoir monter, Axel. On va passer à une actrice française. Isabelle Nanty. Les Tuches. Mission Cléopâtre. Le Bison et sa voisine Dorine. Oh, putain. Tati Daniel. Ouais. Putain, j'allais le dire. Les Profs. Du coup, Les Profs 2, ça compte pas. Non, non. Bon, alors là. Isabelle Nanty. Oui, bah bien sûr, Les Infidèles. Les Visiteurs. Pardon, excusez-moi. Quoi, Les Visiteurs, quand même. Bah oui, désolé, bah oui, je suis passionné de ce Les Visiteurs, film. Mais ça bien est... sûr, Les Visiteurs. Ah, quel enfer. Isabelle Nanty. Ah, merde. Elle a fait que ça? Non. Allez, je t'aide, elle a fait un film cette année, vas-y. Isabelle Nanty, elle a fait un film cette année, je suis pas au courant. Oui. Ah, elle a fait un autre Astérix. Non, je crois pas. Comment? J'ai pas entendu. Non. Il s'appelle Nanty. Je sais, à partir de combien de temps on estime que j'ai perdu? Bah, je pense que là, on est bientôt dans le timing. Hein. On est bientôt dans la zone rouge? Ouais. Ouais, parce qu'après, on est demain. Pour moi, c'est 30 secondes, hein, à peu près. Et là, je pense qu'on okay, est... Ok, bon, on est d'accord que les suites des Tuches, ça marche pas? Non. Et je pense... Je pense qu'on est bon. Si, elle a fait un truc avec... Oh, c'est fini, je le dis. Morgane 2. Elle a fait, cette année, elle a fait Les Vengeances de Maître Poutifar, qui était une merde infâme. Déjà le nom. Hein. Ah oui. Oh, mais elle a fait que des daubes. Je suis en train de regarder, comment tu veux, je me souviens de ça. Bah non, elle mais a fait été 85. Aussi, bon, qui est pas terrible. Mais... Bah, comment tu veux, je me souviens de c'était mon... cool, c'était sympa. Mon poussin, comment tu veux, je m'en souviens, genre. Non, mais voilà, mais attends, je suis pas allé chercher. Elle a fait Incognito, qui est pas mal d'ailleurs. Elle joue dans Pas sur la bouche, je savais pas que. Ouais. Donc voilà. Agathe Cléry. Et dans Amélie Poulain quand même aussi, hein, j'ai oublié. Oui, mais, oui, mais je vois pas les coups d'Amélie Poulain. C'est le premier qui m'est sorti, qui est venu en tête. Ça m'a choqué que vous l'ayez pas eu. Mais... bref. Bon, ok, focus à derrière. Allez, un gros acteur américain qui tâche. Carlos. Combien, Carlos? Je l'ai pensé si fort. Carlos. Mais il est gros. Ouais, non, mais américain. Oui, oui, on l'a Morgan. J'ai dit américain. Ah, John Goodman alors. Non. Non, wow. Un gros en termes d'affiche, c'est Tom Cruise. Mission Impossible. Minority Report. Magnolia. Entretien avec un vampire. La Guerre des Mondes. La Couleur de l'Argent. La Momie. Ah putain, pas mal la Momie. Top Gun. Tonnerre sous les Tropiques. Oh, il était incroyable celui-là en plus. Ouais. Vanilla Sky. Jeu de mots. Vache Kiri. Non, c'est Valkyrie. C'est drôle. Oblivion. Bah, riez quand même, les gars, là, je suis vexé. Collatéral. Oh, il y en a fait d'autres. Il y en a fait plein d'autres. Focus. Il faut juste que je réfléchisse un peu, ça va si je réfléchis un peu. Non, tu peux... j'ai dit 30 secondes, mais bon, voilà. Faut pas abuser non plus. Ok, 30 secondes. 30 secondes, le temps d'aller sur Wikipédia. Night and Day. Ouais. Eyes Wide Shut. On se fait chier. Hein. Oh, mais c'est plus, on se fait chier. On s'emmerde, hein, quand même, c'est long. Arrête. Oh, c'est long. Il triche. Non, j'ai pas. Je peux dire un film en tant que producteur ou je peux pas? Non. J'en ai plein. Ouais, non, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon. Il y avait Rain Man, Né un 4 juillet, ouais, La Firme, Jerry Maguire. Vous avez cité Top Gun? Oui, il l'a dit. Ouais, ok. Oui, bah oui, ouais. J'ai dit Top Gun. Ouais. Il y avait Jack Reacher, tu as cité, ouais. Jack Reacher? Edge of Tomorrow. Enfin, Edge of Tomorrow. Ah, j'ai pu penser. Edge of Tomorrow, mais je suis tellement nu, j'adore. Ouais, c'est pas terrible, hein, mais bon. Pardon? J'aime pas Edge of Tomorrow. Ah, moi, je suis trop pas fan. Hein. Mais quoi? Mais vous êtes complètement fou! Trop répétitif! Non, mais après, je l'ai vu qu'une fois, mais je t'avoue que ça m'a pas marqué. Ouais, bah revois-le. Je l'ai en Blu-ray. Bon, bref, j'ai perdu, on peut le dire. 3-0, c'est ouf. Non, mais. Ah, moi, je vais au bout, moi. Moi, je vais au bout. On peut continuer. Ouais, that's what she said. Alors, attends. Donc, actrice américaine, Natalie Portman. Black Swan. Oh, foiré. On l'a dit en même temps, vas-y, c'est pour toi. Bah Star Wars, Star Wars lequel? Léon. V pour Vendetta. Closer entre adultes consentants. Le court métrage qui précède Moonrise Kingdom, qui précède Grand Budapest Hotel, mais j'ai plus le titre exact, c'est pas grave. Oh, putain. Ouais, allez, vas-y. Ouais. Je te laisse. Allez, Jackie. Bah oui, Jackie, bien sûr, Jackie. Michel. Nathalie Portman. Mais elle est nulle, Nathalie Portman. Pourquoi tu m'as demandé ça? Jane Gottegun. Brothers. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Brothers. J'ai compris. Frère, Brothers. Frère. Oui, ok. Bah, Thor 2? Oui. Hein, foiré. Thor 1 pourtant, aurait fonctionné. Tu hein, sais mais... que je... Thor 2 aussi. Non, elle est pas dans le 1. Elle est dans le 1 aussi. Oui, elle est dans le 1. Elle était dans le 1. D'ailleurs, Thor 4 aurait fonctionné aussi. Knight of Cups. Ah, je crois qu'elle joue dedans. Ouais, c'est oui, bon. Elle joue dedans. Ouais, c'est ça. Putain. Ouh bah, elle doit être dans un autre film du mec que j'ai dit tout à l'heure. Wes Anderson, il a dû faire un autre film avec la télé Portman. J'ai envie si je dis Asterix, si tu au pif, elle est dedans. Est-ce qu'elle est dans reste sur la piste Night of Cups. Ah, mais oui. Ah, elle a joué dans un autre. Elle a dû jouer dans, Tree of Life. Quoi? Non. Mais non. Song to song. Oh là. Mais que tu veux que je... comment tu veux que je le sache? Mais je sais pas. Et attends, toi, Adrien, t'es fan de Xavier Dolan, il me semble. Ah oui, ma vie avec John. Oh merde! Aussi, bah oui, également. Putain, c'est vrai qu'elle est dans. Oui, mais c'est le moins bon. Ah bon? Oui, dans. Ma vie avec John F. Donovan. J'ai oublié comment il s'appelle, moi je m'en fous. Oui, John F. Donovan. Ouais. Il y avait. Là, après ça, j'avais plus du tout. Hein. Bah, Annihilation, ouais, Blueberry Nights, ah, ouais. Garden State, Mars Attack. Bon, bref. Elle joue dans Mars Attack. Oui. Ah bon. Oui. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'en ai rien à foutre de 3 acteurs sur 4 côtés. Je suis désolé, vraiment. non, mais tu peux rien. C'est... Je vais pas dire Patrick Wilson, par exemple. Non. La vérité. Mais je t'avoue que comme ça a été fait sur le dernier instant, là... Ouais. Vas-y, un dernier. Ouais. Si t'en as, si t'en restes un. Il m'en reste un. Vas-y. Mmh. Allez. Et c'est un acteur français, classique, Louis de Funès. La soupe aux choux. Alors là, je suis incollable. Il a eu la cuisse. Pouic Pouic. La zizanie. L'avare. La traversée de Paris. Le gendarme et de Saint-Tropez. Et pas vrai. Le tatoué. Joe. Sur un arbre berger. Les aventures de Rabbi Jacob. Fantomas. Hibernatus. Si, je l'ai. Les belles blacantes. La grande vadrouille. Oh merde, je l'avais pas dit, la grande vadrouille. Non. Bah non. Putain, je dois être le seul mec de France qui dit des belles vacances. Non, mais oui, vous sortez de ces films. Ça, il vérifie sur internet que le film il existe, tu sais. Ouais, la grande vadrouille, l'homme orchestre. Pas, c'est un petit film. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais c'est ironique, t'inquiète. Réfléchis. L'homme orchestre. Mm-hmm. Oh, j'ai compris, l'homme au sexe. Bah, le corneau. Le corneau, évidemment, qui joue dedans. Si, alors, je suis désolé, ça compte. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Et je suis désolé. Ah c'est... putain, oui, ça, tu as raison. Oui. Est-ce qu'on l'a dit, la folie des grandeurs? Non. Bah non. Bah la folie des grandeurs, du coup. Bah non, on l'a pas dit. Allez, Adrien. Tant pis, il ressemble à mon grand-père. Depuis, du coup, je l'aime bien. Mais oui, il a fait plein de trucs. J'en ai encore 3 en tête, là. Mm. Ouais, bah j'ai perdu. parce que moi je n'ai pas 3 du tout là en fait. Tu veux arrêter? Ouais, j'aborde Michel. Allez. Alors, moi j'avais en tête. Vas-y. En tête, j'avais le grand restaurant, je sais pas si ça a été dit. Non. Mais oui, le grand restaurant, je trouve. Oscar. Ouais. Et le petit baigneur. Ouf. Ah oui. Ouais, c'est ça. Et après j'en ai plus. Hein. Ouais, bah. C'est... J'arrive pas à voir que j'ai vraiment dit les belles bacantes alors qu'il y avait de la grande badrouille qui était juste là. Oui, la grande vadrouille. Ouais, mais c'est parce que. Ouais. C'est. Bah. Ouais. Bon, bah, bravo Morgane, je me suis fait éclater. Du coup, ouais. Dans 2 movies notes, c'est toi qui fais le jeu. Ouais, là, je. Ouais. Bah, là, c'est un 5-0, hein, mais. Ouais. 5-0, mais je t'ai déchiré. Oui, abandonne. Oui. Bah, bravo Morgane. Abandonne les podcasts. Ah, vas-y, bah. Ah, les podcasts, de toute façon, je. Ouais, abandonne tout, là. Non, mais. Ok. Je suis flatté. Okay. Bah ouais, je suis fier. Très bien. Bravo Morgane. Et puis bah oui, tu pourras citer. Enfin, tu pourras faire le prochain jeu si tu veux. Avec plaisir. Ouais. Quoi ? Et puis bah du coup, maintenant que le jeu est fini, on va pouvoir passer à la prochaine rubrique qui est le thème. C'est parti. On est donc dans la deuxième rubrique de ce podcast qui est le thème et du coup bah, comme je vous l'ai présenté au début dans le sommaire, on va vous parler de certains films qui sont selon nous un peu mis de côté quand on parle de films d'Halloween. Et du coup on va commencer avec Adrien qui va nous parler de son film. Je te laisse présenter. Alors, moi mon film il s'appelle The Others, c'est Les Autres d'Alejandro Amenábar. Mm-hmm. Alors, un peu un élément de contexte sur ce que c'est, parce que ça peut ne rien dire à beaucoup de gens. C'est une reprise d'assez loin d'un film qui était adapté d'un bouquin qui s'appelle Le Tour d'écrou. Le film était réalisé par Jack Layton, et ça peut vous dire quelque chose parce que ça a été récemment adapté, très mal à mon avis, mais c'est un autre débat, par Flanagan sur Netflix dans Hunting of Bly Manor. Ouais. C'est une adaptation, faut le savoir, de Town of the School. Et donc The Others, c'est un film avec Nicole Kidman qui joue le rôle d'une mère de deux enfants qui vit sur l'île de Jersey, donc c'est une des îles autour des du Royaume-Uni, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un manoir qui est complètement reclus. Et elle a une vie un peu particulière puisqu'elle vit dans le noir complet, puisque ses enfants sont atteints d'une maladie qui les empêche d'être exposés au soleil. C'est déjà une vie très particulière, mais cette vie va être renforcée, cette particularité va être renforcée parce que de nouveaux venus vont arriver, sans être attendus, une gouvernante, un jardinier et une jeune fille qui est muette suite à un traumatisme qu'elle a vécu dans la même maison dans laquelle ils emménageront à présent pour aider la famille en question. Seulement, leur arrivée va aussi s'accompagner d'autres invités, encore plus inattendus et plus surnaturels. Alors, mon histoire personnelle avec le film, faut savoir que, avant de devenir le gros nerd en film d'horreur que je suis aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps avant d'en voir un, et j'ai surtout vu, quand j'étais petit, des films qui m'ont fait peur, qui n'étaient pas forcément des films d'horreur. C'était L'étrange Noël de Mr. Jack, c'était Gremlins, ou des films américains plus classiques là-bas, comme Les Chasses du Comte Zaroff, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Un film sur la chasse cannibale. D'accord. Et The Others, c'est particulier parce que j'ai d'abord eu peur de la jaquette du DVD. C'est vrai. Après, l'affiche est terrifiante. Après, j'ai eu peur du film parce que mes parents m'en ont parlé et qu'ils avaient eu peur eux-mêmes. Mm. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était gamin, d'à quel point c'était effrayant de voir des adultes avoir peur. Ah oui. Ouais, totalement. Et moi, mes parents, ils avaient peur de ce film. Donc moi, j'en avais encore plus peur. Ah oui. Après, j'ai eu peur du menu du DVD. Et ça m'a empêché de voir le film, pour de vrai. Ah ouais. C'était des hurlements, il y a un manoir avec de la brume, ce genre de choses. Est-ce que pour situer, tu peux dire à peu près l'âge que tu avais pour... Ah, je devais avoir 12 ans. Ok, d'accord. J'ai commencé à voir des films d'horreur juste après ça. Mm. Et quand j'ai vu le film, ça aurait pu me faire l'effet d'un film sur lequel j'avais fantasmé pendant des années mais qui ne ferait rien. Et tout le contraire. J'en ai pas dormi la nuit d'après. Ah ouais. Et j'en avais peur même en le racontant. Pourtant, c'est pas un film d'horreur. Non, pas du tout. C'est un film qui a des moments effrayants. Il y a une espèce de chasse aux fantômes au milieu du film, avec où on soulève des draps, on a qu'une seule peur, c'est qu'il y a un truc bizarre en dessous. Il y a un moment avec une petite fille qui vieillit. Toute la fin, que je dévoilerai pas, est complètement effrayante. Mais c'est beaucoup plus un thriller surnaturel et dramatique qu'un film d'horreur. On ne voit pas de choses qui font peur. L'horreur, elle est assez accessoire parce qu'elle est ressentie plutôt par les personnages. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est que l'horreur, c'est le sentiment qui est senti par les personnages, et surtout par la mère, qui transmet cette horreur et cette terreur aux enfants. Ils ont peur du soleil, donc ils ont peur de la vie. Et le thème du film, c'est ça, avec l'obsession religieuse. Ouais. Ce qui est super intéressant dans le film, c'est que le thème principal, c'est la peur du religieux, et l'utilisation du religieux pour fuir le réel. Et le religieux dans le film, il est partout. Alors, je ne sais pas si ceux qui l'ont vu s'en souviennent. Le début du film, le générique, c'est des images d'Épinal. Ouais. Les images d'Épinal, c'est en gros des images de la Bible. Des épisodes de la Bible avec Jésus et tout ce qui entoure. Et la peur de Grace, de la mère, donc, qui est jouée par Nicole Kidman, qui est absolument impressionnante et incroyable dans ce film. Qui est par ailleurs produit par Tom Cruise, qui était son mari à l'époque, mais c'est un autre sujet. C'est le film que tu voulais citer. Et elle va jusqu'à faire... pardon, Axel. C'est le film que tu voulais citer en tant que producteur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Et c'est intéressant parce qu'elle va faire jusqu'à imaginer dans le film à ses enfants qui brûlent en enfer, et elle leur dit, imaginez la sensation que c'est si jamais vous posez des questions sur la foi, si jamais vous mentez, ce que vous allez ressentir. Et en fait, le thème du film, c'est ça. C'est comment un parent, en usant de préceptes religieux et de préjugés, va arriver à terrifier ses enfants. Et finalement, les fantômes, c'est presque accessoire. Ah oui, oui. Et les fantômes, ça va presque être une libération pour les enfants, sans en dire plus. Donc, pour conclure, c'est un film qui est profond, qui est très fascinant, mais c'est un film d'Halloween. Il est effrayant, il est gothique, et ça se passe dans un manoir hanté, il y a des ténèbres, il y a du brouillard, il y a tout ce que tu veux. Mais ça prend complètement le spectateur en traître, et ça le piège. Pourquoi est-ce que ce seraient les fantômes qui seraient méchants? Et pourquoi les envahisseurs, ceux qui viennent dans la maison, ce seraient eux qui feraient peur? Le film, c'est là-dessus, c'est sur la persuasion que l'extérieur est toxique. Et finalement, ce que nous dit le film, contrairement à Sartre, c'est que l'enfer, c'est pas forcément les autres. Et bah, les autres, c'est justement ça. C'est l'enfer, c'est ce qu'on s'impose à soi-même, et c'est les peurs qu'on a par rapport aux autres. Mais c'est pas ce qui vient de l'extérieur. Et pour moi, c'est le thème du film, et c'est ce qui fait que Les Autres d'Amenabar, c'est pour moi un film à voir, en plus d'être un excellent divertissement d'Halloween. Ouais, et puis la réalisation est extraordinaire aussi. Hein. Extraordinaire, extraordinaire, extrêmement subtil. Ouais. Et comme je disais, on voit vraiment rien. Quoi. Ah, oui, oui. Et on voit pas un fantôme. Enfin, en tout cas, pas dans le sens traditionnel du terme. Il n'y a pas un jumpscare. Peut-être que parfois, il y a des moments où on va avoir un peu peur. Ouais, ouais. Il y a des moments terrifiants. Mais le film ne te fera pas le cadeau d'arrêter la tension avec un jumpscare. Non, non, oui, oui. C'est seulement à la fin du film que la tension elle s'arrête. Et encore. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois et j'avais adoré. Et c'est vraiment un film que je considère comme peut-être un des meilleurs films, vraiment catégorie épouvante, tu vois, tu me dis un film d'épouvante. C'est ça, c'est exactement ça, c'est plus un film d'épouvante qu'un film d'horreur, ouais. On est plus proche du Labyrinthe de Pan, et de L'Orphelinat, oh. que de films que j'adore par ailleurs, comme Les Conjuring, ou oui, voilà. Inside, c'est pas la même ambiance. C'est vraiment pas le même genre. c'est pas la même ambiance. Ouais, ouais. Voilà, je me suis dit que j'allais pas parler d'un film d'horreur. Non, non, mais c'est... Bah, je me suis fait violence parce que vraiment, j'en ai une liste longue comme le bras, oui, d'horreur que j'adore. Mais... ça, je le sais, c'est pour ça que l'exercice de parler que d'un seul était intéressant. Ah, c'était terrible pour moi. C'était soit ça, soit je parlais de tous les films de James Wan, 2 minutes par film. Oui, bon, voilà. C'est original, James Wan, hein. C'est vrai qu'on en parle peu. Oui, c'est pour ça. C'est aussi pour ça que je me suis dit, vas-y, non... Parle de, en plus, c'est un film que j'adore, dont j'ai très peu parlé partout dans les podcasts que j'ai fait, où j'ai jamais écrit dessus non plus, alors que pour moi c'est top 10 de film ever, enfin, de mon point de vue. Et en plus, c'est un film qui, dans son genre, a pas de défaut, en fait. Oui, oui, c'est. Ouais. C'est un film qui, dans son genre, il n'y a pas de faiblesse d'écriture, c'est pas un peu. Ouais, c'est pas long, on s'ennuie pas, il n'y a pas tellement de faiblesse d'écriture. C'est tellement prenant, le récit est prenant, il y a une efficacité narrative qui est... Alors moi je l'avais vu il y a très longtemps, alors j'avais en mémoire la fin, je me souvenais de la fin, parce qu'elle est marquante, hein, vraiment. Ouais. La fin est tellement... et te fait tellement tout reconceptualiser le film, c'est-à-dire que ce qui te... Enfin, moi j'ai vraiment peur de devant le film, alors je le considère pas non plus comme un film d'horreur, mais... C'est-à-dire que la fin te donne une autre vision du film, mais la peur reste là quand même. Enfin, je trouve que ça... Oui, absolument. Quand tu le revois, ça fait tout aussi peur. Ah oui, voilà. Mais même en étant au fait de ce pourquoi tu as peur, tu as quand même peur. Tu comprends la raison de ta peur. Mais moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que la peur, en plus... Ce que j'aime bien au cinéma, c'est quand surtout dans les films de genre, c'est quand la peur n'est pas agressive, en fait. C'est-à-dire les jumpscares, il y en a zéro dans le film. Mais tout est tellement millimétré, genre la mise en scène est tellement précise, le choix des plans, c'est assez anxiogène, il y a des scènes mais vraiment qui sont tétanisantes, et pourtant il n'y a pas une volonté à vouloir justement te faire peur avec des jumpscares à foison. C'est un film qui est incroyable. Et en plus, c'est un film qui est extrêmement riche. Moi je l'ai vraiment vu plusieurs fois, j'ai dû quand même le voir une dizaine de fois en tout. Et c'est un film qui est extrêmement riche, et tu redécouvres les trucs à chaque fois. Ah, oui, oui. La dernière fois que je l'ai revu, c'était pour cette émission. Et c'est un film qui parle aussi de la peur des Britanniques post-Seconde Guerre mondiale. Il y a toute une séquence avec le mari qui revient, pense-t-on, en fait on ne sait jamais s'il revient ou pas, qui revient de la guerre, vivant ou mort, on ne sait pas. Et en fait, il y a toute une séquence où elle pense que ça y est, elle va retrouver sa vie d'avant la guerre. Et son mari, lui, est complètement traumatisé, finit par se barrer, ça dure 5 minutes, hein, donc je ne spoil rien, c'est quasiment dans la même scène. Il se barrait soit parce que... il est lui conscient de ce qui va se passer dans la suite du film et qu'il n'est pas prêt à voir sa famille affronter ça, soit parce que bah, lui a tourné la page, lui est mort et qu'il se rend compte que bah, la vie sera plus jamais la même. Et c'est un film qui parle aussi de ça, et c'est un film qui se passe dans le post-Seconde Guerre mondiale, et je ne t'ai jamais rendu compte de ça. Et c'est quand j'ai revu le film récemment, c'est un film qui est extrêmement riche de son point de vue. Non mais c'est clair. Et puis je trouve qu'il y a une sensibilité qu'on pourrait dire un peu hispanique, tu vois. C'est vraiment le même type de film que Guillermo del Toro a pu faire avec Les Chines du Diable ou Le Labyrinthe de Pan. Ouais. C'est vraiment ce genre d'ambiance qui sont... Bon, après, il y a plein d'autres exemples, hein, mais c'est les films qui me viennent en tête quand je les catégorise dans ma tête, tu vois. Et il y a une sorte de sensibilité comme ça qui fonctionne en fait et qui est vrai. Et là, c'est le ce film est le paroxysme de ça. Hein. Vraiment, c'est. Ouais. Et puis c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films très différents. Les oui, justement. Ah oui. Il a fait le film d'origine là de Vanilla Sky dont on parlait tout à l'heure. Oui. Après Los Horos. Ouvre les yeux. Qui est incroyable. Qui est espagnol parce que j'ai pas. Génial. Qui est un très beau film. T6 aussi, qui est un slasher très particulier. Agora que j'ai jamais vu. Qui est un des films préférés. Eddie, c'est un de ses films. Ouais. Il a fait aussi un film qui a été très sous-estimé quand il est sorti, qui est très mal sorti, qui est sorti je pense très tard, trop tard, qui s'appelle Régression, c'était avec Ethan Hawke et Watson. J'ai pas aimé ça. Qui est une sorte de variation de The Others en fait. Qui est un film plutôt sur les sectes et sur la conviction de la pureté. Enfin, c'est pas génial, c'est un film qui a pas mal de défauts de rythme et qui est pas très bien écrit. Mais c'est un réalisateur qui est très, très intéressant, qui a fait des films très différents les uns des autres. Très bien, bon, parfait. Donc voilà pour le premier film, merci Adrien. Et on va passer du coup à Morgane. Qui nous a fait une petite passe-passe avec, du coup, tu vas nous parler de deux films, mais tu as raccourci. Oui, de deux films, mais enfin, je vais surtout parler du premier film et je parlerai du deuxième vraiment en deux spi, comme disent les Jones. Ouais, là, on va partir vers, un genre de film que j'aime bien, c'est-à-dire le film de genre italien. Notamment dans les années 80, parce que je trouve que les Italiens regorgent de petites perles parfois méconnues, même si le film dont je vais parler est quand même connu des amoureux du cinéma de genre. Moi, c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma d'horreur. Et en plus, pas de l'horreur, on va dire, classique et connue type Halloween. On était vraiment vers quelque chose de purement conceptuel et qui, moi, m'a marqué et que j'ai revu il y a un an parce qu'ils sont ressortis les deux en Blu-ray 4K. Et d'ailleurs, la restauration est sublime. Je vais vous parler du film « Démon » de Lamberto Bava. En deux mots, l'histoire, c'est des gens qui reçoivent une invitation mystérieuse, on ne sait pas de qui elle provient, à assister à la projection d'un film d'horreur dans un cinéma de leur ville. Ils y vont et le film qui est projeté, c'est une histoire classique de jeunes qui découvrent, qui se baladent dans un cimetière et voilà, un peu façon Evil Dead, ils vont invoquer un certain des mauvais esprits. Okay. Et ces esprits qu'il y a dans le film, enfin, ces personnages qui sont dans un cinéma, vont se retrouver enfermés dans ce cinéma et les démons qu'il y a dans le film qu'ils sont en train de regarder vont sortir de l'écran et vont tous, on va dire, les posséder un par un. Donc c'est un espèce de pas Total Recall, mais de Last Action Hero inversé qui aurait mal tourné. Ah ouais. Et je trouve cette idée vraiment géniale, parce qu'il y a un côté méta forcément. Et je trouve que on est vraiment face à un film qui paye pas de mine niveau budget, c'est un tout petit budget avec des effets practical, et moi c'est ça que j'aime dans le cinéma d'horreur italien de l'époque, mais surtout italien, c'est qu'ils ont pas peur d'aller très loin dans le gore un peu crade. C'est un film qui est très crade avec ses transformations practical, qui m'a rappelé un petit peu le Loup-garou de Londres, vous savez, cette scène de transformation qui avait marqué beaucoup de gens. Là on a vraiment des transformations avec des ongles qui poussent et les dents qui pousse là, qui avec un liquide rouge, vert et tout, c'est hyper dégueulasse, avec des moments de trouille. Enfin, vraiment, le film vraiment me prend au trip parce que je trouve qu'il est extrêmement bien mené. Ça dure une heure et demie à peu près. C'est vraiment un film conceptuel très court, mais je trouve que ça paye pas de mine, c'est-à-dire que c'est pas du gros cinéma hyper exigeant, c'est juste un espèce de train fantôme ultra précis, ultra rapide, qui fait le boulot et qui apporte ce que t'es venu rechercher, à savoir le petit frisson, et puis à travers une idée de cinéma genre que je trouve franchement stimulante. Et qui a été justement développé dans le deuxième film, qui n'est pas une suite, mais qui est un remake, mais cette fois-ci dans une tour, dans une tour en fait. C'est un anniversaire qui tourne mal et les habitants de cette tour vont se retrouver enfermés et vont être poursuivis par des démons en manque de chair et de sang. Donc là, c'est un espèce de Die Hard, pareil. Ça ressemble beaucoup à Evil Dead, hein. Ouais. Même le deuxième, c'est un remake déguisé aussi, c'est intéressant. pour moi, c'est un peu un die-hard aussi qui aurait mal tourné aussi. Ouais, c'est clair. Mais alors, ce qui est un peu dommage, parce que la piste à la fin du premier film, qui est, c'est une fin assez ouverte, qui pouvait, enfin, qui promettait un truc beaucoup plus poussé et un délire beaucoup plus lointain à l'échelle mondiale. Là, dans le 2, ils sont revenus à un côté, bon, on va faire un auto-remake du truc, on va dire une autre variante que je trouve tout aussi stimulante, tout aussi généreuse et aussi ambitieuse, parce qu'on voit quand même un enfant se faire tuer. Enfin, je trouve dans le cinéma d'horreur, des enfants qui meurent, c'est pas tous les jours. Oui. Et là, je trouve que voilà, il y a ce côté un petit peu, on n'a pas peur d'aller loin, dans l'outrance, dans la générosité. Il n'y a pas du tout d'ironie de second degré, pas du tout. C'est vraiment du pur film d'horreur, mais ultra conceptuel, très malin, brodé avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire il y a zéro numérique dedans, c'est que du practical, mais ça rend encore bien aujourd'hui. Et je vous recommande vraiment de tenter les 4K qui sont sortis l'année dernière, parce que franchement la restauration est top. C'est vraiment deux petits films, on va dire, mais ultra généreux, ultra quali. Moi j'ai une petite préférence pour le 2 quand même. Parce que, alors même si j'aime bien le décor cinéma du premier, mais le 2, je trouve qu'il va encore plus loin, parce qu'il a un peu plus de budget, je crois. Mais c'est deux petits films qui se... Voilà, vous faites une soirée démon, vous enchaînez le 1 et le 2, ça vous prend 3 heures de votre soirée, quoi. Donc, franchement, c'est parfait. Donc, j'ai voulu être très rapide. J'ai pas grand-chose à en dire. Non, c'est vraiment... C'est très bien, ouais. Parfait. C'est très généreux, ça fait le boulot. Et moi, je les ai vus petits. Alors, j'ai vu le 1 petit, je vous garantis que ça marque quand même. Et puis voilà, il y a un côté aussi un petit peu fun, les musiques, ouais, du cinéma d'horreur italien des années 80. C'est génial. Hein, avec le petit synthé. Le synthé, ouais, les petites guitares électriques. C'est... Exactement. Ouais, c'est on a génial. Tout ça et ouais. C'est vraiment super. Bon, après, niveau acting, faut se taper un amateurisme quand même qui est présent. Alors, par contre, évitez la VF. Autant je suis un défenseur de la VF. VF, VO. Vous oubliez, la VF, vous oubliez. D'autant plus que Démon a eu le droit à un doublage en parce que c'est un film italien. Ouais. Il a eu le droit à un doublage en anglais. Et et c'est pas la même version, je crois. D'accord. Si vous regardez le doublage, la version américaine, enfin doublé en américain, c'est pas la même version. Donc préférez la version italienne. Ouais. Voilà. Et franchement, non, je vous conseille, c'est des petits films qui. C'est le cinéma d'horreur conceptuel comme je l'aime, en fait. Ça coule direct. C'est-à-dire, le film commence, au bout d'un quart d'heure, ça y est, la machine est lancée. Et vous êtes sur un train fantôme, ça s'arrête pas. Ouais. Petite préférence pour le 2, encore une fois. Moi, j'aime bien le décor, j'aime bien. Puis en plus, je trouve que le premier film, quand t'es cinéphile, c'est très réjouissant. Hein, vraiment, cinéphile enfermé dans un cinéma, les démons sortent de l'écran. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était follement réjouissant. Et ça fait peur quand même. Ouais. Je trouve que ouais. Donc allez-y, c'est des bons petits films, c'est bien fun, c'est crado comme il faut, et c'est cool quoi, voilà. Parfait. Écoute. Ça me tombe bien. Nickel. Hein. Ouais, moi pareil. Franchement, ça peut vous plaire. C'est le genre de concept que j'adore. Je pense que vous allez préférer le premier. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai une tendresse pour le 2, mais le premier, c'est tellement cool. C'est tellement cool. Ok, bah super, nickel. Bah merci Morgane d'avoir présenté du coup ces deux films. On a des choses à voir du coup, parce que du coup ces deux films. Ça me fait penser un peu. Les Italiens sont très forts en cinéma d'horreur, ouais. Notamment ce qui s'est passé entre les années 70-80. Je pense à un slasher qui est très méconnu qui s'appelle Bloody Bird. D'accord. Qui est un film avec un film qui se passe avec une troupe de théâtre. C'est assez proche de ce que tu dis, sauf que c'est plutôt du slasher. C'est une troupe de théâtre avec un tueur qui a un masque de hibou. Ok. Et c'est très très. Les Italiens sont très forts, vraiment en cinéma d'horreur. Enfin, ils ont Argento en fait. Ils ont Dario Argento déjà à la base. Hein. Ils ont, voilà, après. Suspiria, ça vient de là. Après, entre cinéma d'horreur et et Giallo, tu vois, il y a une ligne qui est un peu, enfin tu sais, parfois tu sais pas trop sur quel pied danser, tu vois. Vraiment, mais ça a l'air vraiment très bien. Hein. Je verrai avec plaisir Démon, hein. C'est clair. Et d'ailleurs, dans les années 80, il y avait à peu près deux réalisateurs qui se partageaient un peu la vedette. Il y avait Lamberto Bava et il y avait un réalisateur qui s'appelle Lucio Fulci, qui lui, alors. Oui. J'ai un peu plus de mal parce que lui, c'est vraiment c'est dégueulasse, ouais, c'est vraiment des films très dégueulasses. À part Frayeur, que j'aime beaucoup parce qu'il y a un peu d'onirisme. Et ce qui manque, c'est vraiment ce côté fun. C'est pas agréable à regarder. Ouais. Que là, on a vraiment, je dis pas que c'est feel good, hein, mais ouais. Vraiment, voilà, vous faites une petite soirée, peut-être pas pizza non plus, mais du petit popcorn, des oui. petits bonbons, vous regardez des monstres, ça passe. C'est, quoi. Ouais. C'est... Non, c'est, ouais. c'est toujours fun. Il y a jamais, c'est jamais. C'est fun. Ouais, ouais, c'est fun à regarder. Très très très ouais, fun. C'est ouais. fun à regarder. Non. Ouais. Puis la musique, comme oui. si la musique. Ah, la musique, est, elle est, fait, enfin, ouais, elle fait beaucoup aussi. Oui, c'est franchement, tu n'as pas. Alors. Tu n'as pas entendu la BO encore, mais tu la connais déjà. Ouais, parce ouais, que ouais, c'est exactement, tellement ouais. dans l'ADN de ce cinéma-là. T'en as vu un, tu sais exactement à quoi ça ressemble après, mais oui, oui. Ah oui, oui. C'est, oui non, c'est super. Ouais. Ok, bah nickel. Parfait. Tu l'as vu, toi, Axel? Non, pas du tout, justement. Ça, alors que okay. j'ai, c'est vraiment déjà un concept que j'aime beaucoup, d'après ce que tu décris. Et en plus, ouais, ambiance et type de film que j'adore. Hein, film italien des années 80, d'horreur comme ça. C'est... Donc, ouais, c'est noté. De toute façon, voilà. c'est noté, je me le mets de côté. Très bien. Ben, du coup, on va passer au troisième et dernier film, qui est le mien. Et du coup, bah, je vais vous parler de The Faculty de Robert Rodriguez. Donc, c'est bien, on a fait un peu The Others, c'est un film. Oui, non, il est américain le film, mais oui, c'est quelqu'un d'hispanique. On a fait hispanique, italien, et maintenant on passe sur du. Enfin, Robert Rodriguez, c'est mexicain, mais c'est un film américain. Donc voilà. Un film con surtout. Oh non, t'es odieux. Attends, je sais ce que tu vas citer en plus. Ouais, vas-y. De quoi Tu vas citer Planète Terror? Non, pas du tout. Je sais pas, tu me parles de Rodriguez. J'ai dit le nom du film, c'est The Faculty. Ah, d'accord, ok, j'y étais pas. Okay, d'accord. d'accord. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais. The Faculty, c'est très bah voilà. Le mec ne suit pas. Non, mais j'ai pas entendu le titre. Okay. Du coup, pour moi, tu teasais le film en parlant du réel, et pour moi, je n'y vais pas citer Planète Terror quand même. Non. C'est pas un film que je kiffe, hein, vraiment. D'ailleurs, bah, justement, on va, c'était un peu plus loin dans mon pitch, mais c'est pas grave. Parler de mon rapport avec Robert Rodriguez, je vous avoue que c'est pas un réalisateur qui m'est très cher. Spy Kids, c'est bien, moi j'aime bien. Bah, Spy Kids, j'aimais bien quand j'étais petit, mais j'ai peur de les revoir parce que je pense que ça. Alors, revoiler, c'est très moche, ouais. mais c'est cool. Moi je me souviens du 3 qui annonçait la 3D, qui était un des premiers films d'Elijah Wood après Le Seigneur des Anneaux, et tout le monde disait « Ah, il y a Elijah Wood dans ce film », et du coup... Mais moi, je sais pas ce que les gens ont avec Rodriguez, c'est un bon réalisateur, parce qu'il a quand même fait Sin City... Oui, non, mais je dis pas que c'est pas... Machete, c'est loin d'être nul. Et son dernier film, faut se le taper, hein, Hypnotique, hein. Wow, c'est chaud. Je l'ai pas vu, mais wow. Sharkboy et la Bagueur, par exemple, ce genre de truc, c'est lui qui avait ça, mais non, je disais pas que Robert Rodriguez était un mauvais réalisateur, loin de là, d'ailleurs, parce que je parle de ce film qui est pour moi peut-être enfin mon préféré personnellement de ce réalisateur, mais c'est juste que son cinéma me touche pas trop. Voilà, j'ai vu les deux Sin City pour la première fois pour ce podcast il y a quelques années, même plusieurs années maintenant, et je les ai pas revus depuis, même si voilà je les avais appréciés, mais c'est pas des films que je porterais dans mon cœur. Donc voilà, c'était juste pour dire du coup The Faculty, c'est un peu l'exception. Vraiment, c'est un film qui m'est cher, je trouve, ce réalisateur. Je trouve qu'il est très chouette. Ça a un côté un peu plus léger, du coup. On reste un peu dans le léger, un peu n'importe quoi italien, mais un peu différent quand même, avec un peu plus de budget. Ce film, c'est un peu une photographie parfaite de la fin des années 90, génération MTV. On a un choix d'acteurs qui est un peu quand on regarde le film, on est un peu rempli de nostalgie de cette fin des années 90, début 2000. Les seconds rôles sont excellents, je cite juste avant de citer les rôles principaux, il y a Jon Stewart, il y a Robert Patrick, il y a Usher, quoi. Quand même dans le chanteur. Ah oui, Usher, oui, dans le film, ouais, ah oui, oui. Tu veux jouer à l'affiche, ouais. Salma, il y a Famke Johnson aussi, ouais. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Quand tu regardes le film, t'as toujours même Christopher McDonald aussi qui est souvent dans les seconds rôles, mais très appréciable. Le pitch un peu de ce film, c'est une entité qui prend contrôle petit à petit du corps enseignant d'un lycée, et un groupe de jeunes lycéens qui n'ont rien en commun doivent faire équipe pour éviter que toute l'école, voire plus, ne soit assimilé par cette entité. On est dans le film, on est directement dans le vif du sujet, on passe pas trois heures d'exposition. L'exposition des personnages et du contexte du lycée qui est un peu les forts font la loi, et enfin un contexte de lycée quoi, est vraiment mais un peu plus trash, un peu plus crado qu'on pourrait le voir habituellement, je trouve. Il est bien exposé pendant 5 minutes après le générique, et donc on est introduit aux personnages, aux protagonistes, qui sont un peu justement clichés, mais ils sont pratiques pour faire un peu une cartographie rapide des dynamiques entre les personnages. Et d'ailleurs, ils jouent un peu avec cette idée des clichés. Il y a Elijah Wood, du coup, qui joue un souffre-douleur slash geek. Josh Arnett, qui joue un élève un peu rebelle, mais qui cache une face un peu intelligente. Ouais, il était beau dans ce... c'est ton avis, clair. Mais c'est vrai. C'est vrai. La coupe de cheveux, moi, je suis pas fan, hein, j'avoue. Ah bah c'est 90, ouais, hein. Non mais il a toujours un problème capillaire. Alors je sais, vous l'avez vu Halloween 20 ans après? Vous l'avez vu? Ouais. Moi j'adore ce film. Il a un épi pendant tout le film. Oui, c'est voilà, scandaleux. Mais c'est un peu le même genre de. Tu vois, ouais, Halloween 20 ans après, c'est un peu le même genre d'ambiance, je trouve aussi, que The Faculty. Il y avait Paul Rudd aussi. Il y a Clea Duval, du coup, qui joue une genre de fille émo, un peu timide. Jordana Brewster, qui est un peu la capitaine des pom-pom girls, mais qui en même temps est rédactrice en chef du journal du lycée. Donc, c'est souvent des choses qui sont un peu conflictuelles entre eux. Enfin, ils jouent un peu avec l'idée, justement, des personnes populaires, et ça fait partie des thèmes un peu du film. Laura Harris, qui est la nouvelle du lycée, qui essaye de se faire des amis. Et enfin, Sean Atossi, qui est le joueur de football américain, qui est un peu le personnage le moins développé, le moins intéressant, qui, au début, on fait passer un peu pour le personnage principal, mais finalement, on se détourne vite de ce personnage et on se concentre plus sur les autres. Le film, c'est un peu Invasion of the Body Snatcher, donc l'invasion des profanateurs de sépulture. Ouais, c'est vrai. Ça. Qui rencontre Breakfast Club. Absolument. Et il y a un côté assez parano à la The Thing, puisque, cette entité prend contrôle des gens, mais tu ne peux pas te rendre compte que les gens sont contrôlés par l'entité. Et y a un côté un peu trash dans la manière dont les gens... Y a un peu une scène à la The Thing, justement, c'est pour ça que je citais. On est tous dans une pièce, qu'est-ce qui me prouve que toi, t'es pas contaminé? Mais en fait, pour qu'ils prouvent qu'ils ne soient pas contaminés, ils doivent prendre une drogue, ils doivent sniffer de la une drogue qui n'est pas de la cocaïne, mais qui est un genre de stimulant. Et sur une scène un peu vraiment trash qu'on imagine, mais qui est fun dans le contexte du film. Et du coup, ça amène des scènes assez intéressantes, mêlant humour et véritable tension. Parce que même s'il y a un petit surjeu pour certains, tu vois qu'ils n'ont pas été trop... Après, voilà, je leur souhaite justement de ne pas avoir été trop sous l'emprise de drogue, parce que, par exemple, Elijah Wood en fait beaucoup, je trouve. Mais du coup, ça amène des... La tension n'est jamais cassée. Même s'il y a le côté humour, on n'oublie jamais qu'il y a quand même une menace qui rôde. Il y a des vrais efforts de mise en scène appréciables, je trouve, pour certains moments d'horreur. Généralement, pour citer un exemple, le tout début, il y a le prof de sport du coup, qui est interprété par Robert Patrick. Donc c'est parfait parce qu'il est un peu robotique, un peu dans son rôle. Il est resté dans son rôle. Moi, j'adore aussi. Mais du coup, qui est le premier contaminé du lycée. Et qui va pourchasser dans une scène un peu slasher, dans un lycée, une autre prof pour la contaminer. Et à un moment, il lui plante un crayon dans la main. Et cette scène, elle est vraiment, je trouve, la mise en scène, le crayon qui se plante dans la main est vraiment très gore et très bien fait. En fait, tu t'attends pas parce que t'as l'impression de te regarder un truc un peu marrant, un peu second degré. Et au final, t'arrives à des moments qui sont vraiment tendus. Et il les gère bien ces moments-là, je trouve. C'est vraiment bien géré. Ouais, y a une vague destination finale pour moi. En fait. Ouais, c'est. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas faux. Et puis, Rappelons la musique d'ouverture du film, The Off-Point. Oui, justement, je voulais. Enfin, quand je parlais, ouais. Justement. J'ai oublié de le citer, mais c'est bien que tu me le dises. Quand je parlais de Génération MTV, c'est vraiment. On est sur The Offspring. Enfin, il y a toute la bande-son et punk rock des années. Enfin, fin 90, début 2000. Avec pas mal de reprises aussi des chansons des années 70 par des groupes des années 90. Comme Schools Out de Alice Cooper qui a été repris, ou Another Brick in the Wall de Pink Floyd qui est aussi repris, entre autres. Et il y a plein d'autres chansons qui sont des originaux pardon, de cette époque et qui fonctionnent super bien avec l'ambiance du lycée voilà, des années 90 américains. Je vais finir en disant que du coup, le film, tout en sachant ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est pas un film qui se prend trop sérieux, mais il fait attention à ne jamais tomber non plus dans le postiche ou la parodie. Et juste, comme on disait, il sait naviguer entre le... Le pastiche, tu veux dire, pas le postiche. Le pastiche, pardon. T'as dit postiche. Et ben voilà, quand je parle trop vite, j'ai... Non, il y a... Le postiche. J'ai bien marqué pastiche. Le post-it. Oh, ouais, post-it, tant qu'à faire. Hein. il sait naviguer entre le côté un peu série B et les véritables enjeux dramatiques. Au cœur du film, il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont plutôt bien maîtrisés et qui n'ont pas trop vieilli. Le premier, c'est un peu vouloir s'affranchir des cases dans lesquelles la société nous met, que ce soit la famille, le lycée, l'État, enfin les adultes, etc. Et justement, en parlant de ça, parlant des adultes, l'infantilisation des adultes aussi envers les plus jeunes, justement, parce que, évidemment, ils essayent de convaincre leurs parents, les profs, les autres profs que bah, cette entité prend contrôle. Enfin, ils savent pas au début ce que c'est, mais ils se disent bah, là, il y a quelqu'un. Le prof, il a tué quelqu'un, ou en tout cas, on a cru voir qu'il a tué quelqu'un, ou il a assimilé quelqu'un. Parce que la façon dont ils assimilent, c'est un peu, c'est crado en plus, ils passent par l'oreille. Enfin, c'est assez graphique. Et du coup, mais aucun adulte, aucun que ce soit les profs, les parents ou même les policiers ne les croient, et au final ils sont tous assimilés, et au final bah, c'est un des jeunes qui résoudra la situation. Enfin voilà, je ne dirai pas comment, mais bon, vous pouvez vous imaginer que ça se finit quand même. Il y a quand même des moments assez intéressants sur la fin que je vais pas spoiler, parce que il y a des trucs qui en fait ça se finit un peu joyeusement, mais on se dit mais attends, mais il s'est passé quand même des trucs assez graves. Et on en parle plus, c'est quoi ça? Mais j'ai pas envie de vous le spoiler parce que c'est des moments assez intéressants si vous l'avez pas vu. Donc voilà, un film que je prends toujours autant de plaisir à revoir et dont je me suis pas lassé après 5 visionnages, je crois. Et en espérant avoir donné envie de le regarder ou de lui redonner sa chance si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Si vous aviez un petit a priori sur ce film, voilà, je trouve que c'est un film plutôt cool. Voilà, vous l'aviez vu du coup tous les deux? Ouais, je l'avais vu moi. C'est un film qui est très chouette et pareil qui je trouve assez inhabituel dans la carrière de Rodriguez. Ouais, totalement. Parce qu'il, enfin, jusque-là, il avait quand même fait assez peu de fantastique et enfin surtout assez peu de SF. Bah, c'est son premier film de commande en plus. Rodriguez au départ. Ouais, c'est ça. Rodriguez au départ, c'est un type qui vient plutôt du ouais. Grindhouse, hein, donc il avait fait des Desperados. Oui, je crois, c'est ça, ouais, Desperados. Il avait fait Desperado, Mariachi, ouais, bah c'est ça, ouais. qui était un premier essai pas du tout inintéressant. Et derrière, il a fait plutôt des films... alors, c'est parfois border parodique. Machete Kiss, on l'ongne plutôt vers ça. Et Sin City, pour moi, ça reste quand même un excellent film qui montre que ce mec-là est quand même pas complètement débile. Quoi. Ouais. Je veux dire, Sin City, c'est quand même remarquable. Moi, Planet Terror, je trouve ça très bien. Mais c'est encore autre chose, parce que c'est un délire qui va loin. Alors je lui préfère Boulevard des Horreurs, Boulevard de la Mort, pardon. Mais oui, c'est un film qui est beaucoup comparé à Boulevard de la Mort, et forcément il souffre de la comparaison, parce que Boulevard de la Mort, c'est un film d'un auteur abouti. Je suis pas particulièrement fan de Tarantino, mais c'est un auteur abouti, et Boulevard de la Mort, ça se voit. Ouais. Alors que c'est vrai que non, mais après il y a des choses intéressantes dans Planète Terror, ça part plus dans tous les sens. Mais il a une patte. Ah oui, ça. Ouais. Et je trouve que The Faculty, dans ce sens-là, c'est un film qui ressemble pas à grand-chose d'autre dans la carrière de Rodriguez. C'est un espèce d'ovni de film. Tu me dis que c'est pas de Rodriguez, ça m'aurait pas surpris, tu vois. Là, instinctivement, si je savais pas que c'était Rodriguez, je pense pas que ouais, j'aurais ah non, deviné. clairement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est un film qui est très particulier, qui peut en même temps être un peu trash, ah oui, hein, comme tu ouais. dis. Pour moi, il a une vibe, j'en parlais tout à l'heure, cette destination finale qui est complètement évidente. Hein, cette espèce de fantastique hyper trash qui s'invite dans la réalité très banale des jeunes. Non, c'est pas naze du tout, et puis c'est extrêmement Ouais, ouais, ouais. divertissant. En plus, c'est toujours ça, Rodriguez arrive toujours à ça quand même. Dans les temps, il y arrive. C'est clair. Non, c'est pas mal du tout. Et Morgane? Oui, je l'ai vu. Alors, il y a quelques années, donc je m'en souviens pas Ouais. énormément. Mais ouais, j'avais trouvé ça très chouette. Et effectivement, pour un Rodriguez, je sais pas, j'avais. Y avait... En fait, c'est un film qui, quand je pense aux années 90, je trouve que c'est un film qui est. Alors, je sais pas si c'est le plus marquant, mais en tout cas, il le représente bien, en fait. Ouais, c'est Il y a ça, c'est une vraiment une vibe, photographie, je vraiment trouve. c'est estampillé Ouais. années 90, pur jus Ah ouais. quoi. Et je comprends qu'on y retourne Ouais, un petit peu comme un petit absolument. film doudou C'est ça. malgré Ouais. l'intrigue, on va dire, un peu plus qui tend vers la SF, tout ça. Enfin, non, Oui. j'aime bien. Et effectivement, j'avais pas fait le lien avec The Thing, mais oui, effectivement, c'est une espèce de relecture du truc. Mais en toute modestie, c'est pas un film qui est ampoulé, c'est un film qui est. Il y a une espèce Ouais. d'efficacité, de générosité qui, vraiment, je le trouve très plaisant, quoi. En toute, c'est Ouais. un film très innocent, finalement, et très pur. C'est J'aime ça. bien, franchement, j'aime bien. Ouais, et bon, juste si vous êtes si vous avez jamais vu enfin, comment dire, si vous êtes jeune et que vous avez jamais vu un film des années 80, enfin 90, il y a des effets visuels qui ont un peu vieilli, mais enfin pas tous justement, c'est ce qui est assez impressionnant. Oh, c'est pas choquant, Ouais, hein. c'est C'est pas choquant bah du il y tout, en a quoi. un ou deux voilà que j'ai trouvé un peu qui faisait un peu mal aux yeux, mais après c'est pas grave, mais Mais tu sais, pour moi, ça c'est un sujet complexe. Je sais pas si on peut digresser un peu là-dessus, mais pour moi, le sujet des effets spéciaux plus ou moins bien faits, je trouve qu'on est quand même dans une époque où, alors je vais pas faire le boomer, il y a des trucs très bien, mais je trouve que les effets spéciaux dans les films à gros budget, je trouve ça au contraire de plus en plus laid. Et je pense à des films comme The Flash, ou je pense à des films comme. J'ai vu récemment le Oui. Ant-Man, là, le. Comment il s'appelle? Quantum Mania, je sais pas quoi, le Ouais. troisième. C'est des films qui sont. Qui ont un budget Oui, colossal, hein. Qui sont d'une mais c'est laideur. ouais, c'est un peu de la bouillie Alors, il y a des trucs numérique, très beaux, c'est hein. un voilà. Ready Player One, c'est très beau. Les Villeneuve, on apprécie ou pas, mais Dune, c'est quand même. Il y a quand même des réelles qualités graphiques. Blade Runner 2049, c'est sublime. Mais je trouve que, moi, plus ça va, plus l'histoire des effets spéciaux qui se voit un peu, je pense que c'est un argument qui vaut à disparaître. Parce que je pense pas que les effets spéciaux du Faculty soient particulièrement plus moches ou Ah plus non, non. toques que ceux de Ant-Man 3 ou. Non, mais oui, non, non, mais je suis assez d'accord. C'est pas du practical. Le problème, c'est que c'est pas complètement du practical effect et ça se Ah voit. oui. Et donc, tous les effets un peu numériques, forcément, se voient plus que les Bah, effets en en fait, dur. c'est En juste. dur, par définition, on Je peut pas parlais payer. technologiquement parlant, les ordinateurs pouvaient pas faire ce Ouais, qu'ils donc ça, je suis font d'accord. actuellement. C'est juste pour ça que c'est un peu choquant à l'œil quand tu es habitué à voir des films de récents. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, justement, il y a des effets practical dans ce film qui sont vraiment impressionnants et qui fonctionnent encore super bien. Et surtout sur la dernière partie du film, donc je veux pas spoiler, justement. Mais voilà. Après, voilà, c'était juste parler l'aspect technique ordinateur qui peut faire des effets visuels. Mais je suis d'accord avec toi Ouais, que c'est un peu le problème, le. c'est que le numérique vieillira Là, voilà, c'est toujours. ça. Tu vois ce que je Voilà, veux dire? c'est C'est-à-dire ça. que souvent, ce qui est intéressant quand des films numériques, c'est justement quand ils ajoutent du numérique par-dessus du practical. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, que les props Bah, ou que les set pieces existent je déjà vais en citer un dur. film que t'aimes pas trop, mais je trouve que c'est un exemple parlant, parce que tout le monde l'a vu, quasiment. Jurassic Park le fait très bien, je trouve. Le premier. Ah, mais de ce point de Voilà. vue-là, oui. Ah, mais c'est un film que j'aime pas Oui, pour ben plein de oui. raisons, mais d'un point de vue technique, c'est un film qui Ah oui, réussit. Il voilà. n'y a aucun Et doute qui a un là-dessus. mélange très bon, en plus d'effets visuels numériques qui sont bah, de 93, donc quand même les pionniers, Ouais, bien sûr. avec des practicals qui fonctionnent très bien, et ça, c'est encore très regardable aujourd'hui, sans problème. Moi, je pense, une exception ou deux près selon le plan, au premier Harry Potter, Oui, notamment au tout ouais. premier. Je trouve que Harry Potter 1, alors en dehors de certains effets qui se voient maintenant, tout ce qui se passe sur les balais, oui, là où on voit bien que c'est pas du tout l'acteur ouais. sur le balai, et le passage du troll qui est juste devenu moche, je veux dire, maintenant c'est moche. Tout ce qui est practical, et ou même ils ont ajouté un peu de numérique par-dessus, alors la cape d'invisibilité, ce genre de choses, ouais. c'est typique. Je trouve ça super ah, mais... beau. Le deuxième, surtout avec le basilic et tout ça, c'est un film qui est vraiment super beau. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça, et le problème, c'est quand c'est du pur numérique que ça se voit. Ah oui, mais. Et je pense que ça se verrait toujours. Je connais pas de film qui soit où ils ont fait, où c'est que du fond vert. Juste à prendre un exemple c'est de la même époque que Harry Potter, le Star Wars épisode 2, par exemple. C'est compliqué maintenant. Ah ouais, c'est carrément ignoble. Hein. Voilà. Je parle même pas de l'épisode 1, mais encore de l'épisode 2. L'épisode 3, ça va, il vieillit encore un peu mieux. Le 1, faut voir. Le 1, faut voir parce que je trouve que les podracers, c'est pas peut-être pas. Oui, non, c'est bien fait. Oui, le deuxième, il y en a qui va. Voilà. Bon, on va pas se lancer dans un débat à Star Wars, mais voilà. Ouais. Non, c'est clair, intéressant. Voilà. Très bien. Parfait. On a fini le thème. Ça va. On est à une heure à peu près de podcast, donc c'est cool. Du coup, on va pouvoir continuer et finir ce podcast avec la dernière rubrique qui est la Minute Nerd. C'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast qui est les Minutes Nerd et on va commencer avec Morgane. Vas-y. Alors, moi je vais pas aller dans l'originalité. Hein. En ce moment, je crois que tous les joueurs de PS5 qui se respectent ont joué à ce jeu. Mais je l'ai acheté, j'y ai joué et j'ai adoré, à savoir Spider-Man 2. L'homme araignée. Comment ? L'homme araignée, j'ai dit. L'homme araignée, ah oui, j'ai. Oui. Alors. Bon, alors quoi en dire à part que effectivement c'est dans la lignée du premier qui fait partie, je pense, de mon top 3 de mes jeux de PS4, très clairement. Non, les top 5. Tu l'as sur PS4 ? Non, il est pas sorti sur PS4. Non, il disait que le premier c'était. Oui, parce que tu as dit. Il disait PS4, que le premier pardon. C'était. Non, il parlait du premier. Ah, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Le premier jeu, c'est plus. Oui, était sorti sur PS4. Oui, oui. Et là, du coup, le 5. Oh là là, le 2 est une exclue PS5, je vais y arriver. PS5. Oui, et j'ai seum parce que j'ai une Xbox et je peux pas y jouer. Comment ? Non, je disais que j'avais le seum parce que j'avais une Xbox et je pouvais pas y jouer, ça n'a aucun intérêt. Et franchement, tu rates quelque chose parce que, alors, c'est pas ultra surprenant, c'est-à-dire que le premier jeu avait été une vraie surprise avec cet open world et tout, qui était, franchement, c'était un régal à jouer. Et là, du coup, quiconque achète ce jeu-là, c'était clairement prêcher un convaincu, quoi, parce qu'on savait qu'on allait. Il y avait une attente en termes de méchants, on savait que Venom serait là, on savait qu'on jouerait à la fois Miles Morales et Peter Parker, ce qui était déjà le cas dans le premier, mais sur une mission très courte. Là, vraiment, tout l'enjeu du jeu, c'est marche. Ça. Là, c'est vraiment les deux histoires en fait qui s'entremêlent, qui se rencontrent et tout. Et je trouve que y a une vraie limpidité en termes de narration et en termes de rythme. Et d'ailleurs, ça fait mal de le dire, mais c'est vrai qu'un jeu comme ça raconte beaucoup plus de choses et est beaucoup plus profond et mieux raconté que le sont les derniers Marvel, tu vois, et à commencer par. Oh, évidemment. C'est vraiment en termes d'intrigue, en termes de scénario, c'est extrêmement bien écrit et c'est plaisant à jouer. Si je devais avoir une petite réserve, mais ça c'est mon côté impatient, il se trouve que j'adore jouer, mais les cinématiques à rallonge parfois. Tu peux pas les passer ? On peut les passer, mais bon, l'idée c'est quand même d'avoir plein de. Ouais, ouais, il y a un scénar quand même. Hein. Ouais, il y a un vrai scénario. Après, il y a les missions annexes et tout qui sont très très intéressantes d'ailleurs. Bon, c'est toujours un peu répétitif, hein, mais en tout cas, la trame principale est vraiment superbe. Elle est captivante et elle est surprenante. Voilà, je vais quand même pas spoiler un peu le truc, mais disons que. On incarne des personnages qu'on ne pensait pas incarner en jouant à ce jeu-là. Mais voilà, j'en dis pas plus. Tu m'intrigues. Ouais, franchement, j'étais assez surpris. Je me suis dit, mais non, on va pas. Mais si, Non, vraiment, le jeu, il y a vraiment des petites nouveautés par rapport au premier. Là où le jeu Miles Morales m'avait pas déçu, je trouvais que c'était un DLC en fait qui coûtait trop cher. Bah, mais c'est un DLC. Oui, c'était un DLC, voilà, qui coûtait un peu trop cher pour ce que c'était. Là, on a une vraie suite ambitieuse, je ne sais pas, mais en tout cas mais très réussie. Bah, graphiquement, c'est vraiment splendide. Le choix des costumes. Enfin, les bestiaires aussi. Le premier était déjà très beau, hein, je trouve. Ouais. Les méchants aussi, vraiment, c'est des méchants qui sont. Le rendu est top. Moi qui suis pas un gros gamer dans l'âme, là franchement, j'ai passé une quinzaine d'heures, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire l'histoire principale. J'ai vraiment cassé. J'ai vraiment passé 15 heures vraiment formidable. Je me suis éclaté, c'est super, vraiment. Après, il vaut mieux un jeu court et vraiment bien plutôt qu'un truc qui traîne en longueur et qui, après, tu n'as même plus envie d'y jouer. Quoi. Ouais, comme Death Stranding de Hideo Kojima, par exemple. J'ai pas joué, je l'ai sur PC. C'était long. Ouais. Très bien, parfait. Pour ceux qui ont une PS5 et peut-être sur PC dans 3 ans, comme sérieux. Ouais, c'est ça. Moi, le premier, j'ai fini par le faire sur PC. Voilà. Comme j'ai pas de PS quoi que ce soit. Voilà, parfait. Merci Morgane. Et on va passer à Adrien. Bon, moi je préviens tout de suite, c'est pas super fun. Non, mais moi je reviendrai après et ce sera fun de nouveau. Donc voilà, c'est la partie un peu moins fun. C'est une enquête sur le don des corps à la science qui est sorti il y a maintenant à peu près un mois. Bon, je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais disons à peu près un mois. Qui s'appelle Le Charnier de la République. Ouais. Qui est écrit par Anne Jouan, Richard Douard et Dominique Ordé, qui sont des acteurs du processus, et qui raconte comment à Paris, donc c'est dans une université prestigieuse à Paris, qu'on a découvert que les corps qui étaient donnés pour faire des dons à la science était traité de façon inhumaine, qui est apparenté pour beaucoup de spécialistes, et notamment les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, comme tout à fait comparable avec ce qui s'est passé pendant la Shoah. Ah oui. Et c'est une enquête extrêmement dure. Il y a un petit livret fermé à la fin avec des photos qu'on peut regarder ou pas comme on veut, mais qui sont extrêmement douloureuses. D'accord. Il est assez difficile, paradoxalement, à trouver en grande surface, parce que c'est une enquête qui a fait beaucoup de bruit, mais qui est aussi interdite au moins de 18 ans à la vente. Ah oui, d'accord. Ce qui est assez rare pour un livre. Hein. Ah oui, oui. Je trouve que de la même façon que ce qui était sorti à l'époque, le livre de Victor Castanet sur les EHPAD, qui était absolument remarquable, une enquête qui s'appelait, j'ai oublié le titre, c'était un livre sur les EHPAD écrit par Victor Castanet. Ah, les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs, qui était une enquête absolument remarquable. Là, c'est de la même qualité d'enquête, d'autant qu'en plus, cette fois, on fait intervenir vraiment des gens qui sont concernés, qui ont travaillé dans ce charnier, puisque c'est comme ça que le livre s'appelle, hein, Charnier de la République. Ouais. Et c'est important de savoir. Alors, je dis pas que c'est important de lire le livre, parce qu'il est très dur, mais c'est important de savoir ce qui s'est passé et les choses qui peuvent se passer encore. Au 21e siècle, donc on ne pensait pas que ça pouvait exister, en tout cas à ce point-là. Et vraiment, je recommande ça. Bon, pour une minute nerd, je suis désolé. Ah oui, oui. Là, non, mais c'est pas grave. Si vous voulez, je peux parler de Five Nights at Freddy's, si vous voulez. Oh, tu sais, moi, une fois, j'ai recommandé un livre passionnant sur le génocide des natifs américains. Donc, voilà. Parce que t'es nostalgique, voilà. C'est tout. En tout cas, sans dire. Sans dire que je conseille le charnier de la République qui n'est à mettre que dans les mains qui sont prêtes à le lire, je conseille au moins de s'intéresser sur ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé, et si vous le souhaitez, à lire le livre qui est vraiment qui est une enquête extrêmement précise, fouillée et sans complaisance. Voilà. Ok, très bien. Ben écoute, merci Adrien. Ben ça, c'est très intéressant, mais du coup ça va être un peu compliqué. Ouais, bah oui, je t'avais prévenu. Alors non, mais tu vas voir ma minute nerd, c'est complètement autre chose, donc bon. on va dire que je rebondis sur ce que Morgane a recommandé, et en même temps que Spider-Man est sorti de l'autre côté sur une autre console concurrente, un jeu que j'attendais énormément depuis son annonce, il me semble en juin, et qui est sorti fin octobre, c'était Super Mario Bros. Wonder. Voilà. Ah oui. Qui, du coup, est un jeu qui est sorti le 20 octobre sur Nintendo Switch, qui est une nouvelle itération de la formule Super Mario Bros. Mais en 2D. Donc, vu 2D et pas en 3D, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de Super Mario Bros. Originaux en 2D, puisqu'il y a eu des remakes de ce qui s'était fait sur Wii U, avec les New Super Mario Bros. Qui avaient commencé sur la DS. Donc, Super Mario Bros. Wonder, c'est vraiment ils ont effacé un peu tout ce qui a été fait auparavant et ils sont repartis avec plein de nouvelles idées, mais des idées de. Que ce soit de gameplay ou de visuel complètement folle et nouvelle, ils ont, enfin, d'après la rumeur, puisque il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent des bureaux de Nintendo, les équipes créatives ont eu carte blanche et n'avaient pas de deadline vraiment pour rendre le jeu. Et donc ils ont pu vraiment, après ça se voit un peu en y jouant, ils ont vraiment pu s'éclater à fond en faisant plein d'expérimentations. On sent qu'ils ont beaucoup joué, ils sont inspirés de la nouvelle vague de jeux indé de plateforme qui va évidemment être inspiré de Super Mario Bros. L'original. Tu veux dire que quand on traite bien des équipes et qu'on leur laisse le temps, ils font des bons jeux? Ah oui, bah voilà. Et... Même valable pour le cinéma aussi. Hein. Voilà. C'est dingue qu'on n'y ait pas pensé avant au final. Non, mais tu sais, voilà. Ils sont pas obligés de rester au bureau et dormir sous leur bureau pour faire des bons jeux parfois. Non, moi j'étais convaincu que c'était comme ça qu'on faisait des bons jeux. Vraiment, Cyberpunk l'a démontré d'ailleurs. c'était juste pour. C'était juste du sale troll. Oui. C'est bien. On dénonce le crunch. On est contre le crunch. Oui. Donc, j'aime bien manger de temps en temps, mais. Voilà. Captain Crunch uniquement. Du coup. Ouf, la référence. Super Mario Bros. Wonder. Alors, moi, je suis un très grand fan de jeux de plateforme. Ça me paraît évident que j'adore Mario, puisque. Pour moi, si t'aimes les jeux de plateforme, tu es forcément enclin à aimer au moins un jeu Mario, puisque c'est un peu l'inventeur. Voilà, le démocratiseur plutôt, pas l'inventeur du jeu de plateforme. Et là, vraiment, avec les. Il y a plein d'idées. Chaque limite. Enfin, j'ai pas encore fini le jeu, je suis à 15 heures, mais je le fais vraiment à fond. Le jeu, apparemment, le seul défaut que j'ai pu entendre, c'est qu'il est un peu court. C'est que moi, je commence à. C'est toujours le cas. Hein. Voilà. Ça a toujours été court. Hein. C'est court, ouais. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir, en fait. Donc, moi, je prends mon temps. Je veux toutes les pièces dans tous les niveaux, donc du coup ça prend du temps et il y a plein de secrets, plein de trucs cachés, il y a des nouvelles façons de gameplay, donc il y a des badges qu'on peut équiper sur le personnage qui lui permet d'avoir des capacités spécifiques qui peuvent l'avantager ou l'handicaper, et ça on peut le combiner avec tous les niveaux. Et dans tous les niveaux, il y a des idées différentes. Donc, quasiment chaque niveau, il y a un truc qui se passe, qui ne s'est pas passé dans les autres niveaux et qui ne se passera pas dans les autres niveaux. C'est vraiment complet. Moi, je m'amuse comme un fou. Les musiques sont géniales. Le visuel est splendide. Alors, vraiment, la Nintendo Switch, ce n'est pas connu pour être une machine de compète actuellement. On l'a vu. Alors, j'ai adoré. J'ai pas encore fini le dernier Zelda, mais bon, il tournait pas très bien sur la Nintendo Switch. Ah mince. C'est un peu dommage. Ce jeu est splendide et il est. Si vous avez la Switch, c'est un des jeux à avoir sur cette plateforme, puisque de toute façon, en plus, la Switch est. Elle est sortie en 2017, donc ça commence. C'est dans les rumeurs d'annoncer probablement Nintendo va annoncer une prochaine console. On ne sait pas encore si elle sera rétro-compatible avec les jeux Switch ou pas. Il faut se préparer à ce qu'en tout cas, s'ils annoncent une nouvelle console, qu'ils abandonnent totalement la précédente. Hein. Ils l'abandonnent totalement. Passé avec la DS. La 3DS ils l'ont complètement. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils ont quand même gardé sur la 3DS la rétrocompatibilité avec la DS, donc tu avais quand même un catalogue de 2005 à 2017 qui était rétrocompatible. voilà. Donc voilà, c'est une possibilité. Enfin bref, je veux pas parler de la prochaine Switch. Voilà, c'était juste pour vous conseiller vraiment le Super Mario Bros. Wonder. Si vous avez une Switch et que vous l'avez pas encore, ça m'étonnerait. Mais vraiment, c'est un des, je pense, un des 5 jeux à avoir sur la Switch parce que c'est tellement bien. On s'éclate tellement. J'ai pas encore testé parce qu'on peut jouer à plusieurs. J'ai pas encore testé le mode multijoueur. J'en ai entendu plutôt bien, donc c'est cool. Et apparemment, c'est pas trop bordélique parce que c'était toujours un peu le cas avec les New Super Mario Bros. J'étais un peu moins fan. C'était marrant en même temps. Ouais. C'est marrant, mais au bout d'un moment, si t'es. si tu joues avec des gens qui ont un niveau très différent les uns des autres, ben tu t'amuses pas trop parce qu'il y en a qui tombe dans un trou, l'autre qui veut avancer, l'autre qui avance trop vite, et du coup, ben, la caméra elle est sur lui. Enfin. Apparemment, c'est un peu mieux géré sur celui-là. Voilà, je vous le conseille, il est super bien et c'est vraiment, je pense, mon jeu de l'année. J'ai pas beaucoup joué cette année. J'ai eu un petit autre projet à côté qui s'appelle ma fille, mais du coup, quand j'ai un peu de temps, la Switch, c'est parfait parce que du coup, c'est portable et en même temps, après, je peux jouer un peu sur la télé quand elle est à la sieste ou quand elle dort, donc c'est parfait. Voilà. Est-ce que l'extrait qui tourne là avec les plantes qui chantent, c'est un vrai extrait du jeu d'une part? Alors c'est un vrai extrait du jeu, c'est peut-être le deuxième ou troisième niveau et ça dure vraiment 2 minutes dans le jeu et après tu l'entends plus parler. Je te jure, ça m'a fumé quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'ai ri. Ouais mais c'est vraiment que c'était un mème, hein. Ouais, et parfois, vraiment, les communautés fans de Mario l'appellent un peu Mario LSD, parce que parfois, t'as un peu l'impression que c'est un peu cette ambiance, un peu, voilà, ils ont pris de la drogue ou quoi, enfin voilà, pour faire le même. Mais c'est chiant parce que moi, je joue souvent sans le son, alors si je me mets celui-là, je vais être obligé de mettre des écouteurs. Ah, après, mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est vrai que je joue souvent à des jeux sans son, enfin... Véronique aussi. Hein. Ouais, j'aime bien. Tu l'as. Mais celui-là, vraiment, les musiques sont superbes. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, un des meilleurs jeux de cette planète Terre, c'est vraiment Super Mario World sur Super Nintendo. Je crois que c'est le Mario qui se rapproche le plus des innovations qu'a pu apporter Super Mario World. C'est un sacré argument, là-bas. Ouais, vraiment. J'ai beaucoup aimé les autres itérations en 2D. Je parle uniquement Mario 2D. Hein. Mais vraiment, c'est celui qui se rapproche le plus du niveau de génie qu'était Super Mario World en termes de gameplay, en termes d'innovation et d'idées de jeu. Voilà. Et ben voilà. On est pas trop mal. Donc deux jeux et un petit bouquin entre deux sessions. Si... et voilà, un bouquin sympa. Voilà. Ça se lit très bien juste avant de dormir. Voilà, ça se lit très bien. Si vous n'avez pas quoi amener sur la plage cet été, n'hésitez pas à lire Le Chandelier de la République. Ça va faire fureur. Parfait. Allez. Vous allez kiffer. Ouais. Non mais ah oui alors là bon, je t'avoue que c'est des trucs enfin ça m'intéresse de lire mais voir les photos vraiment ça je peux pas. Oui non mais t'as le choix hein. Moi je trouve que je les ai vus parce que je voulais avoir une idée mais c'est dans un truc fermé à la fin. Mais ça je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Oui. Parce que on va juste digresser un petit peu parce que voilà on a le temps. Graisser. Un petit peu de temps. Je regardais récemment, puisque ma compagne est fan de vidéos d'horreur sur YouTube, enfin d'histoires de vrais meurtres, etc. Enfin, voilà, de true crime, voilà. On regardait récemment, et moi j'aime bien, mais j'aime pas voir les photos, parce que vraiment, ou les vidéos encore pire, parce que vraiment, je peux pas. Partage la passion de ta copine, hein. C'est trop bien ces trucs-là. Je suis sûr, elle lit Le Nouveau Détective. C'est trop bien ça. Le nouveau Ah oui non, c'est le magazine là. Ouais, c'est trop bien ça. Non mais qui dit ça Morgane, t'es sérieux? Torchon. Mais quoi le torchon, c'est des vraies histoires. C'est des vraies histoires. Bah oui, c'est pas non, du non, fake hein. Ah oui, non mais j'adore, il est hardcore Axel le torchon. Non mais je rigole. J'osais pas le dire mais Non, non, mais pas de jugement, pas de, on juge pas. Mais du coup, on regardait une vidéo YouTube et enfin, c'était quelqu'un qui racontait Facecam, donc voilà, il n'y avait pas de souci. Et puis d'un coup, au bout de 20 minutes de vidéo où il n'y avait rien, d'un coup, il monte des images et ben là, j'étais là, oh, j'étais pas prêt à voir ça. De corps coupé en deux, voilà. C'est pas. Voilà, bref. Donc je trouve que c'est une bonne idée. De pas les avoir inclus dans le bouquin, mais enfin de pas les avoir imprimés sur la page, mais plutôt de les avoir mis Ouais, de c'est côté. ça. Mais C'est même le bouquin, quand tu le trouves en rayon, j'ai fini par le trouver à la Fnac. Il est emballé dans du plastique. Ouais, bah oui, non, mais c'est une bonne idée, c'est mieux parce que Ouais, bon, c'est une bonne idée, je te voilà. confirme. Ok, bah très bien, bah voilà, on a fini la minute nerd, on va pouvoir terminer ce podcast et on est à peu près à 1h30 d'enregistrement, c'est parfait, Bah oui, c'est bien c'est ça. nickel. C'est une affaire qui roule. Et bah, du coup, Bah oui, ça. je souhaite bah, du coup, d'abord remercier les auditeurs d'avoir écouté cette émission. On espère qu'elle vous a plu. On a pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci à Morgane et à Adrien d'avoir participé. Merci à tous mes Mais fans au d'avoir plaisir. assisté. Tes fans t'enverront des DM, t'inquiète pas. Des nudes pour moi, des nudes. Voilà. Send... Oh, mais j'allais le dire. Les Envoie-moi recommandations. des Enfin, photos de vos parents morts. Moi, je veux bien des photos de vos parents morts, s'il vous plaît. Parents morts? Ah, J'en ai pas eu j'ai une photo à te montrer si tu veux. J'en ai. J'en ai pas eu assez. Bref, je vais couper avant qu'on soit. Non, ça va, on n'est pas censuré encore, mais auto-censure plutôt. Non, non. C'est clair. Du coup, je vous rappelle un peu toutes les informations. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site, site web Movies Nerd. Vous pouvez retrouver bah, les quelques critiques qui y sont, ainsi que nos émissions. De temps en temps, quand elles sont publiées. Voilà. Donc, c'est moviesnerd.net. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@moviesnerd. On est sur les réseaux sociaux. On publie quand il y a des articles, généralement. Donc, sur Facebook. Maintenant, il faut dire sur X. Mais voilà. Non, Et c'est sur. Twitter, ça. C'est Twitter, voilà. Et sur Instagram. Et sur X le moins possible. Hein, voilà. Et J'ai sur complètement Instagram. enfin, X, Twitter, j'ai de plus en plus de mal. Hein. J'ai à penser à me barrer vraiment. Moi, je n'y suis quasiment plus. Hein. Vraiment, Ouais, moi, j'ouvre je... l'application quand je me fais chier et je regrette après de l'avoir ouvert parce que voilà. Bref, du coup, voilà, vous pouvez nous retrouver. Donc, c'est Movies Nerd un peu partout. Ensuite, vous pouvez nous retrouver. Enfin, ce podcast, vous pouvez l'écouter un peu partout. Vous écoutez votre podcast, donc sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les applis indépendantes de podcast. Et on Envoie est aussi chiasse. sur. Voilà, par exemple. On est sur YouTube, Sur iTunes. en format vidéo. voilà, et ben on vous conseille de laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, et nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait monter dans les classements et ça fait toujours plaisir, même quand voilà, si on publie pas fréquemment, ça fait toujours plaisir. Et je crois qu'on est à peu près bon. Ben moi, vous pouvez me retrouver ben maintenant ouais, sur Movies Nerd. Sur Movies Nerd et sur Switch. c'est Lexal. Voilà, peut-être un peu sur Twitter, mais j'y suis quasiment plus. Donc voilà. Morgane. Alors, on peut Est-ce que. quand même me retrouver sur Twitter X Twitter, hein, Cinémorgane, enfin @Cinémorgane, sur Instagram. Je suis depuis un Ouais. certain temps, j'y suis beaucoup plus réactif. Je suis Ouais. devenu accro à Insta, je découvre. Ouais, Donc c'est cool. Je découvre 15 ans après. ouais, @Mogo Sheridan, MOGO Sheridan, comme l'amour de ma vie que je n'aurai jamais. Et Ouais, il est essayer pas mal, YouTube ce aussi, star. Morgane, c'est un Non, il truc est qui pas monte. mal. Celui que j'ai? Ouais, il est pas mal quand même. Ça va. Qui ça? De Il y a quoi? pire. Non, non! Vous parlez de quoi là? Ah Non, ton mec. Ah oui! Ah oui, non! Ah oui, non, oui, ok, j'étais Je pas. sais pas Parce ce qu'il que peut en même j'ai cru que temps! tu jouais, j'ai cru que Non, tu non, jouais, non, je non, pensais vraiment pas! Non, vraiment non, que j'ai t'étais. pas. J'ai pas. Non, non, mais parce que moi je parlais d'un fantasme d'acteur, celui que j'ai. Non, je pensais que tu parlais d'un acteur que je trouvais beau. Oui, il y a Barry Keoghan. Remarquez, c'est un peu la même chose. C'est la même. Franchement, moi je les confonds. C'est la même tête! Mais vraiment! Moi, c'est pas des acteurs. C'est pas de. Bah, Barry. Oh, Barry Keoghan, si, quand Je même. déconne. Autant, Je j'avoue, Ty déconne. Sheridan, c'est pas un grand acteur, mais Barry Keoghan, il est excellent. Ah! On non, y est, putain. Non, mais Ty Sheridan, ça a jamais été un grand comédien. Ah, le temps que j'ai mis à te il faire a, il dire. A toujours dit. Hein, il a... J'ai toujours dit que c'était pas un grand comédien. Bon, quoi non, non, ah, non, non, non, non, non. Non, non, il a jamais défendu Ty Sheridan comme un grand comédien. Jamais. Non, non, non, non, jamais. Je l'ai défendu physiquement. Par contre, Barry Keoghan, je le défends physiquement. Et en tant que comédien, il est exceptionnel, Barry Keoghan. Oui, c'est le mec qui a fait le Joker, enfin, plus ou moins le Joker dans le Batman, non, c'est pas ça? Ah bon? Oui, oui, oui, ah, oui. Dans oui, le Batman, à la fin. Je l'ai pas vu, hein, donc ah, merde. Je savais pas. Oh, bah, ouais, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, t'as rien raté, frérot, vraiment. Bon, de toute façon, j'ai vu, ouais. J'ai vu le temps qu'il mettait ce film, j'ai dit, ah non, c'est pas pour ouais, moi. Ouais, t'inquiète pas. Oui, bah, c'est ressenti fois deux. Hein. Ouais, voilà. C'était long. Donc voilà, bah, voilà, Insta et X. Ok. Donc moi, on me trouve sur X vidéo, non, je déconne, sur X, tout court. donc, bah, @sparkermitty, hein, je suis revenu depuis, je suis un peu à contre-courant, j'y suis revenu il y a quelques mois. Donc... Ah, ok. Mais bon, okay. Quand X aura explosé, on se retrouvera tous avec le même arrobas sur Bluebird. pour l'instant, je suis que sur X, hein, je précise. Et par ailleurs, vous pouvez de nouveau voir parfois quelques petits clips audio vidéo. Popé sur le podcast dans l'ombre, qui n'est plus une chaîne de podcast face caméra, parce que vous n'avez pas à voir ma gueule tous les jours, c'est simplement. et qui est devenue maintenant une chaîne de clips inspiré du cinéma. Ouais, de montage. Sur laquelle je poste de temps en temps. Il y a eu un sur James Bond récemment, voilà, je me suis un peu amusé. Et voilà, c'est tout. Donc, Netflix et YouTube. Nickel, ben parfait, et ben du coup on n'a plus qu'à vous remercier encore de votre écoute et de votre patience entre les podcasts, c'est très gentil. Prochain épisode numéro 60, on verra quand est-ce qu'on le fera. J'espère un dernier en 2023. En mai 2024 peut-être. Ouais, non, mais allez, un dernier en 2023. Un petit dernier en 2023. Voilà. Ouais, j'ai un petit truc Noël, j'aimerais bien. Franchement, ouais, ouais. Moi, un truc avec des tops de fin d'année à l'ancienne, franchement. Ah, mais oui. Moi, je suis preneur. Franchement, ouais, c'est... Faut voir, parce que le problème, c'est que de cette année, je crois que j'ai vu zéro film. Je n'ai vu zéro film. C'est pas grave, on fera l'animation. Ouais. Oui, si. Non, j'ai vu zéro film de 2023, donc voilà. Bah, tu feras des jeux et l'animation, et nous, on fera... Ah oui, comme ça on va pouvoir s'étriper sur Sodis avec Morgan, ça va être bien. Si il faut, il y a pas de souci. Ah ouais, sur Sodis, il va mettre Sodis dans son top, lui. ouais, mais le problème c'est qu'il y a Evil Dead Rise sorti la même année, donc Evil Dead. Ouais. Ah, il est bien sûr. Allez, bon, bah, on en parlera peut-être durant le peut-être une émission bilan. Voilà. Et ben d'ici là, du coup, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao, à la prochaine.